Ma pauvre nièce était devenue folle, ajouta le médecin après un moment de silence. Ah, monsieur, reprit-il, en saisissant la main de monsieur d'Albon, combien la vie a été affreuse pour cette petite femme, si jeune, si délicate. Après avoir été, par un malheur inouï, séparée de ce grenadier de la garde, nommé Fleuriot, elle a été traînée pendant 2 ans, à la suite de l'armée, le jouet d'un tas de misérables. Elle allait, m'a-t-on dit, pieds nus, mal vêtue, rester des mois entiers sans soins, sans nourriture, tantôt gardée dans les hôpitaux, tantôt chassée comme un animal. Dieu seul connaît les malheurs auxquels cette infortunée a pourtant survécu. Elle était dans une petite ville d'Allemagne, enfermée avec des fous, pendant que ses parents, qui la croyaient morte, partageaient ici sa succession. En 1816, le grenadier Fleuriot la reconnut dans une auberge de Strasbourg, où elle venait d'arriver après s'être évadée de sa prison. Quelques paysans racontèrent au grenadier que la comtesse avait vécu un mois entier dans une forêt et qu'il l'avait traquée pour s'emparer d'elle, sans pouvoir y parvenir. J'étais alors à quelques lieues de Strasbourg. En entendant parler d'une fille sauvage, j'eus le désir de vérifier les faits extraordinaires qui donnaient matière à des contes ridicules. Que devins-je en reconnaissant la comtesse ? Fleuriot m'apprit tout ce qu'il savait de cette déplorable histoire. J'emmenai ce pauvre homme avec ma nièce en Auvergne, où j'eus le malheur de le perdre. Il avait un peu d'empire sur madame de Vandière. Lui seul a pu obtenir d'elle qu'il s'habilla. Adieu, ce mot qui pour elle est toute la langue, elle le disait jadis rarement. Fleuriot avait entrepris de réveiller en elle quelques idées, mais il a échoué et n'a gagné que de lui faire prononcer un peu plus souvent cette triste parole. Le grenadier savait la distraire et l'occuper en jouant d'elle, et par lui, j'espérais, mais... L'oncle de Stéphanie se tut pendant un moment. Ici, reprit-il, elle a trouvé une autre créature avec laquelle elle paraît s'entendre. C'est une paysanne idiote qui, malgré sa laideur et sa stupidité, a aimé un maçon. Ce maçon a voulu l'épouser parce qu'elle possède quelques quartiers de terre. La pauvre Geneviève a été pendant 1 an la plus heureuse créature qu'il y eut au monde. Elle se parait et allait le dimanche danser avec Dalot. Elle comprenait l'amour. Il y avait place dans son cœur et dans son esprit pour un sentiment. Mais Dalot a fait des réflexions. Il a trouvé une jeune fille qui a son bon sens et 2 quartiers de terre de plus que n'en a Geneviève. Dalot a donc laissé Geneviève. Cette pauvre créature a perdu le peu d'intelligence que l'amour avait développé en elle et ne sait plus que garder les vaches ou faire de l'herbe. Ma nièce et cette pauvre fille sont en quelque sorte unies par la chaîne invisible de leur commune destinée et par le sentiment qui cause leur folie. « Tenez, voyez !» dit l'oncle de Stéphanie en conduisant le marquis d'Albon à la fenêtre. Le magistrat aperçut en effet la jolie comtesse, assise à terre entre les jambes de Geneviève. La paysanne, armée d'un énorme peigne d'os, mettait toute son attention à démêler la longue chevelure noire de Stéphanie, qui se laissait faire en jetant des cris étouffés dont l'accent trahissait un plaisir instinctivement ressenti. Monsieur d'Albon frissonna en voyant l'abandon du corps, et la nonchalance animale qui trahissait chez la comtesse une complète absence de l'âme. « Philippe, Philippe » s'écria-t-il, « les malheurs passés ne sont rien. N'y a-t-il donc point d'espoir ? » demanda-t-il. Le vieux médecin leva les yeux au ciel. « Adieu, monsieur, » dit monsieur d'Albon en serrant la main du vieillard. « Mon ami m'attend, vous ne tarderez pas à le voir. » « C'est donc bien elle ?» s'écria celui-ci après avoir entendu les premiers mots du marquis d'Albon. « Ah, j'en doutais encore !» ajouta-t-il en laissant tomber quelques larmes de ses yeux noirs, dont l'expression était habituellement sévère. « Oui, c'est la comtesse de Vandière, » répondit le magistrat. Le colonel se leva brusquement et s'empressa de s'habiller. « Eh bien, Philippe, » dit le magistrat stupéfait, « deviendrais-tu fou ?»« Mais je ne souffre plus !» répondit le colonel avec simplicité. « Cette nouvelle a calmé toutes mes douleurs. Et quel mal pourrait se faire sentir quand je pense à Stéphanie ?» Je vais aux bons hommes, la voir, lui parler, la guérir. Elle est libre. Eh bien, le bonheur nous sourira, ou il n'y aurait pas de providence. Crois-tu donc que cette pauvre femme puisse m'entendre et ne pas recouvrer la raison ? Elle t'a déjà vu sans te reconnaître, répliqua doucement le magistrat, qui, s'apercevant de l'espérance exaltée de son ami, cherchait à lui inspirer des doutes salutaires. Le colonel tressaillit, mais il se mit à sourire en laissant échapper un léger mouvement d'incrédulité. Personne n'osa s'opposer au dessein du colonel. En peu d'heures, il fut établi dans le vieux prieuré auprès du médecin et de la comtesse de Vandières. « Où est-elle ? » s'écria-t-il en arrivant. « Chut ! » lui répondit l'oncle de Stéphanie. « Elle dort. Tenez, la voici. » Philippe vit la pauvre folle accroupie au soleil sur un banc. Sa tête était protégée contre les ardeurs de l'air par une forêt de cheveux épars sur son visage. Ses bras pendaient avec grâce jusqu'à terre. Son corps gisait élégamment posé comme celui d'une biche. Ses pieds étaient pliés sous elle, sans effort. Son sein se soulevait par intervalles égaux. Sa peau, son teint avaient cette blancheur de porcelaine qui nous fait tant admirer la figure transparente des enfants. Immobile auprès d'elle, Geneviève tenait à la main un rameau que Stéphanie était sans doute allée détacher de la plus haute cime d'un peuplier, et l'idiote agitait doucement ce feuillage au-dessus de sa compagne endormie pour chasser les mouches et rafraîchir l'atmosphère. La paysanne regarda M. Fongea et le colonel. Puis, comme un animal qui a reconnu son maître, elle retourna lentement la tête vers la comtesse et continua de veiller sur elle sans avoir donné la moindre marque d'étonnement ou d'intelligence. L'air était brûlant. Le banc de pierre semblait étinceler et la prairie élançait vers le ciel ses lutines vapeurs qui voltigent et flambent au-dessus des herbes comme une poussière d'or. Mais Geneviève paraissait ne pas sentir cette chaleur dévorante. Le colonel serra violemment les mains du médecin dans les siennes. Des pleurs échappés des yeux du militaire roulèrent le long de ses joues mâles et tombèrent sur le gazon aux pieds de Stéphanie. « Monsieur, dit l'oncle, voilà 2 ans que mon cœur se brise tous les jours. Bientôt, vous serez comme moi. Si vous ne pleurez pas, vous n'en sentirez pas moins votre douleur. » « Vous l'avez soigné, dit le colonel dont les yeux exprimaient autant de reconnaissance que de jalousie. Ces deux hommes s'entendirent, et de nouveau, se pressant fortement la main, ils restèrent immobiles en contemplant le calme admirable que le soleil répandait sur cette charmante créature. De temps en temps, Stéphanie poussait un soupir, et ce soupir, qui avait toutes les apparences de la sensibilité, faisait frissonner d'aise le malheureux colonel. « Hélas !» lui dit doucement M. Fongea. « Ne vous abusez pas, monsieur. Vous la voyez en ce moment dans toute sa raison. » Ceux qui sont restés avec délice pendant des heures entières occupés à voir dormir une personne tendrement aimée, dont les yeux devaient leur sourire au réveil, comprendront sans doute le sentiment doux et terrible qui agitait le colonel. Pour lui, ce sommeil était une illusion. Le réveil devait être une mort, et la plus horrible de toutes les morts. Tout à coup, un jeune chevreau accourut en 3 bonds vers le banc, flaira Stéphanie, que ce bruit réveilla. Elle se mit légèrement sur ses pieds, sans que ce mouvement effrayât le capricieux animal. Mais quand elle lui aperçut Philippe, elle se sauva, suivie de son compagnon quadrupède, jusqu'à une haie de sureau. Puis elle jeta ce petit cri d'oiseau effarouché, que déjà le colonel avait entendu près de la grille où la comtesse était apparue à M. Dalbon pour la première fois. Enfin, elle grimpa sur un faux ébénier, se nicha dans la houppe verte de cet arbre et se mit à regarder l'étranger avec l'attention du plus curieux de tous les rossignols de la forêt. « Adieu, adieu, adieu, » dit-elle sans que l'âme communiquât une seule inflexion sensible à ce mot. C'était l'impassibilité de l'oiseau sifflant son air. « Elle ne me reconnaît pas !» s'écria le colonel au désespoir. « Stéphanie, c'est Philippe, ton Philippe, Philippe !» Et le pauvre militaire s'avança vers l'ébénier. Mais quand il fut à 3 pas de l'arbre, la comtesse le regarda comme pour le défier, quoiqu'une sorte d'expression craintive passa dans son œil. Puis, d'un seul bond, elle se sauva de l'ébénier sur un acacia, et de là, sur un sapin du nord, où elle se balança de branche en branche avec une légèreté inouïe. « Ne la poursuivez pas, » dit M. Fongea au colonel. « Vous mettriez entre elle et vous une aversion qui pourrait devenir insurmontable. Je vous aiderai à vous en faire connaître et à l'apprivoiser. Venez sur ce banc. Si vous ne faites point attention à cette pauvre folle, alors vous ne tarderez pas à la voir s'approcher insensiblement pour vous examiner. Elle, ne pas me reconnaître et me fuir, » répéta le colonel en s'asseyant le dos contre un arbre dont le feuillage ombrageait un banc rustique. Et sa tête se pencha sur sa poitrine. Le docteur garda le silence. Bientôt, la comtesse descendit doucement du haut de son sapin, en voltigeant comme un feu follet, en se laissant aller parfois aux ondulations que le vent imprimait aux arbres. Elle s'arrêtait à chaque branche pour épier l'étranger. mais en le voyant immobile, elle finit par sauter sur l'herbe, se mit debout et vint à lui d'un pas lent à travers la prairie. Quand elle se fut posée contre un arbre qui se trouvait à 10 pieds environ du banc, M. Frangin dit à voix basse au colonel « Prenez adroitement, dans ma poche droite, quelques morceaux de sucre et montrez-les-lui, elle viendra. Je renoncerai volontiers à votre faveur, au plaisir de lui donner des friandises. À l'aide du sucre, qu'elle aime avec passion, vous l'habituerez à s'approcher de vous et à vous reconnaître. » « Quand elle était femme, répondit tristement Philippe, elle n'avait aucun goût pour les mets sucrés. » Lorsque le colonel agita vers Stéphanie le morceau de sucre qu'il tenait entre le pouce et l'index de la main droite, elle poussa de nouveau son cri sauvage et s'élança vivement sur Philippe. Puis elle s'arrêta, combattue par la peur instinctive qu'il lui causait. Elle regardait le sucre et détournait la tête alternativement, comme ces malheureux chiens qui leur maître défendent de toucher un mets avant qu'on ait dit une des dernières lettres de l'alphabet qu'on récite lentement. Enfin, la passion bestiale triompha de la peur. Stéphanie se précipita sur Philippe, avança timidement sa jolie main brune pour saisir sa proie, toucha les doigts de son amant, attrapa le sucre et disparut dans un bouquet de bois. Cette horrible scène acheva d'accabler le colonel, qui fondit en larmes et s'enfuit dans le salon. L'amour aurait-il donc moins de courage que l'amitié ? Lui dit M. Frangin. J'ai de l'espoir, monsieur le baron. Ma pauvre nièce était dans un état bien plus déplorable que celui où vous la voyez. Est-ce possible ? S'écria Philippe. Elle restait nue, reprit le médecin. Le colonel fit un geste d'horreur et pâlit. Le docteur crut reconnaître dans cette pâleur quelques fâcheux symptômes. Il vint lui tâter le pouls et le trouva en proie à une fièvre violente. À force d'instance, il parvint à le faire mettre au lit et lui prépara une légère dose d'opium afin de lui procurer un sommeil calme. 8 jours environ s'écoulèrent, pendant lesquels le baron de Sucy fut souvent en prise avec des angoisses mortelles. Aussi bientôt ses yeux n'eurent-ils plus de larmes. Son âme, souvent brisée, ne put s'accoutumer au spectacle que lui présentait la folie de la comtesse, mais il pactisa, pour ainsi dire, avec cette cruelle situation et trouvait des adoucissements dans sa douleur. Son héroïsme ne connut pas de bornes. Il eut le courage d'apprivoiser Stéphanie en lui choisissant des friandises. Il mit tant de soin à lui apporter cette nourriture. Il sut si bien graduer les modestes conquêtes qu'il voulait faire sur l'instinct de sa maîtresse, ce dernier lambeau de son intelligence, qu'il parvint à la rendre plus privée qu'elle ne l'avait jamais été. Le colonel descendait chaque matin dans le parc, et si, après avoir longtemps cherché la comtesse, il ne pouvait deviner sur quel arbre elle se balançait mollement, ni le coin dans lequel elle s'était tapie pour y jouer avec un oiseau, ni sur quel toit elle s'était perchée, il sifflait l'air si célèbre de « Partons pour la Syrie », auquel se rattachait le souvenir d'une scène de leurs amours. Aussitôt, Stéphanie accourait avec la légèreté d'un fan. Elle était si bien habituée à voir le colonel qu'il ne l'effrayait plus. Bientôt, elle s'accoutuma à s'asseoir sur lui, à l'entourer de son bras sec et agile. Dans cette attitude, si chère aux amants, Philippe donnait souvent quelques sucreries à la friande comtesse. Après les avoir mangées toutes, il arrivait souvent à Stéphanie de visiter les poches de son amie par des gestes qui avaient la vélocité mécanique des mouvements du singe. Quand elle était bien sûre qu'il n'y avait plus rien, elle regardait Philippe d'un œil clair, sans idée, sans reconnaissance. Elle jouait alors avec lui. Elle essayait de lui ôter ses bottes pour voir son pied. Elle déchirait ses gants, mettait son chapeau, mais elle lui laissait passer les mains dans sa chevelure, lui permettait de la prendre dans ses bras et recevait sans plaisir des baisers ardents. Enfin, elle le regardait silencieusement quand il versait des larmes. Elle comprenait bien le sifflement de « Partant pour la Syrie », mais il ne put réussir à lui faire prononcer son propre nom de Stéphanie. Philippe était soutenu dans son horrible entreprise par un espoir qui ne l'abandonnait jamais. Si, par une belle matinée d'automne, il voyait la comtesse paisiblement assise sur un banc, sous un peuplier jauni, le pauvre amant se couchait à ses pieds et la regardait dans les yeux aussi longtemps qu'elle voulait bien se laisser voir, en espérant que la lumière qui s'en échappait redeviendrait intelligente. Parfois, il se faisait illusion, il croyait avoir aperçu ses rayons durs et immobiles, vibrant de nouveau, amollis, vivants, et il s'écriait « Stéphanie, Stéphanie, tu m'entends, tu me vois ?» Mais elle écoutait le son de cette voix comme un bruit, comme l'effort du vent qui agitait les arbres, comme le mugissement de la vache sur laquelle elle grimpait. Et le colonel se tordait les mains de désespoir, désespoir toujours nouveau. Le temps et ses vaines épreuves ne faisaient qu'augmenter sa douleur. Un soir, par un ciel calme, au milieu du silence et de la paix de ce champêtre asile, le docteur aperçut de loin le baron occupé à charger un pistolet. Le vieux médecin comprit que Philippe n'avait plus d'espoir. Il sentit tout son sang affluer à son cœur, et s'il résista au vertige qui s'emparait de lui, c'est qu'il aimait mieux voir sa nièce vivante et folle que morte. Il accourut. « Que faites-vous ? » dit-il. « Ceci est pour moi, » répondit le colonel en montrant sur le banc un pistolet chargé. « Et voilà pour elle !» ajouta-t-il en achevant de fouler la bourre au fond de l'arme qu'il tenait. La comtesse était étendue à terre et jouait avec les balles. « Vous ne savez donc pas, » reprit froidement le médecin, qui dissimula son épouvante, « que cette nuit en dormant, elle a dit, « Philippe ?»« Elle m'a nommé ?» s'écria le baron en laissant tomber son pistolet que Stéphanie ramassa. Mais il le lui arracha des mains, s'empara de celui qui était sur le banc et se sauva. « Pauvre petite !» s'écria le médecin, heureux du succès qu'avait eu sa supercherie. Il pressa la folle sur son sein et dit en continuant « Il t'aurait tué, l'égoïste. Il veut te donner la mort parce qu'il souffre. Il ne sait pas t'aimer pour toi, mon enfant. Nous lui pardonnons, n'est-ce pas? Il est insensé, et toi, tu n'es que folle. Bah ! Dieu seul doit te rappeler près de lui. Nous te croyons malheureuse parce que tu ne participes plus à nos misères, sots que nous sommes. Mais, dit-il en l'asseyant sur ses genoux, tu es heureuse, rien ne te gêne, tu vis comme l'oiseau, comme le daim. » Il s'élança sur un jeune merle qui sautillait, le prit en jetant un petit cri de satisfaction, l'étouffa, le regarda mort et le laissa au pied d'un arbre sans plus y penser. Le lendemain, aussitôt qu'il fit jour, le colonel descendit dans les jardins, il chercha Stéphanie, il croyait au bonheur. Ne la trouvant pas, il siffla. Quand sa maîtresse fut venue, il la prit par le bras. Et marchant pour la première fois ensemble, ils allèrent sous un berceau d'arbres flétris dont les feuilles tombaient sous la brise matinale. Le colonel s'assit, et Stéphanie se posa d'elle-même sur lui. Philippe en trembla d'aise. « Mon amour, » lui dit-il en baisant avec ardeur les mains de la comtesse, « je suis Philippe. » Elle le regarda avec curiosité. « Viens, » ajouta-t-il en la pressant, « sens-tu battre mon cœur? Il n'a battu que pour toi. Je t'aime toujours. Philippe n'est pas mort, il est là, tu es sur lui. Tu es ma Stéphanie, et je suis ton Philippe. Adieu, » dit-elle, « adieu. » Le colonel frissonna, car il crut s'apercevoir que son exaltation se communiquait à sa maîtresse. Son cri déchirant, excité par l'espoir, ce dernier effort d'un amour éternel, d'une passion délirante, réveillait la raison de son ami. « Ah, Stéphanie, nous serons heureux !» Elle laissa échapper un cri de satisfaction et ses yeux eurent un vague éclair d'intelligence. « Elle me reconnaît, Stéphanie !» Le colonel sentit son cœur se gonfler, ses paupières devenirent humides. Mais il vit tout à coup la comtesse lui montrer un peu de sucre qu'elle avait trouvé en le fouillant pendant qu'il parlait. Il avait donc pris pour une pensée humaine ce degré de raison que suppose la malice du singe. Philippe perdit connaissance. M. Frangat trouva la comtesse assise sur le corps du colonel. Elle mordait son sucre en témoignant son plaisir par des minauderies qu'on aurait admirées si, quand elle avait sa raison, elle eût voulu imiter par plaisanterie sa perruche ou sa chatte. Ah, mon ami, s'écria Philippe en reprenant ses sens. Je meurs tous les jours, à tous les instants. J'aime trop. Je supporterais tout si, dans sa folie, elle avait gardé un peu du caractère féminin. Mais la voir toujours sauvage et même dénuée de pudeur, la voir. Il vous fallait donc une folie d'opéra, dit aigrement le docteur, et vos dévouements d'amour sont donc soumis à des préjugés. Et quoi, monsieur? Je me suis privé pour vous du triste bonheur de nourrir ma nièce. Je vous ai laissé le plaisir de jouer avec elle. Je n'ai gardé pour moi que les charges les plus pesantes. Pendant que vous dormez, je veille sur elle, je... Allez, monsieur, abandonnez-la, quittez ce triste ermitage. Je sais vivre avec cette chère petite créature. Je comprends sa folie, j'épie ses gestes, je suis dans ses secrets. Un jour, vous me remercierez. » Le colonel quitta les bons hommes pour n'y plus revenir qu'une fois. Le docteur fut épouvanté de l'effet qu'il avait produit sur son hôte. Il commençait à l'aimer à l'égal de sa nièce. Si des deux amants il y en avait un digne de pitié, c'était certes Philippe. Ne portait-il pas à lui seul le fardeau d'une épouvantable douleur? Le médecin fit prendre des renseignements sur le colonel et apprit que le malheureux s'était réfugié dans une terre qu'il possédait près de Saint-Germain. Le baron avait, sur la foi d'un rêve, conçu un projet pour rendre la raison à la comtesse. À l'insu du docteur, il employait le reste de l'automne aux préparatifs de cette immense entreprise. Une petite rivière coulait dans son parc, où elle inondait en hiver un grand marais qui ressemblait à peu près à celui qui s'étendait le long de la rive droite de la Bérézina. Le village de Satou, situé sur une colline, achevait d'encadrer cette scène d'horreur, comme Studzianka enveloppait la plaine de la Bérézina. Le colonel rassembla des ouvriers pour faire creuser un canal qui représenta la dévorante rivière où s'étaient perdus les trésors de la France, Napoléon et son armée. Aidé par ses souvenirs, Philippe réussit à copier dans son parc la rive où le général Eblé avait construit ses ponts. Il planta des chevalets et les brûla de manière à figurer les ais noirs et à demi consumés qui, de chaque côté de la rive, avaient attesté aux traînards que la route de France leur était fermée. Le colonel fit apporter des débris semblables à ceux dont s'étaient servis ses compagnons d'infortune pour construire leur embarcation. Il ravagea son parc, afin de compléter l'illusion sur laquelle il fondait sa dernière espérance. Il commanda des uniformes et des costumes délabrés. Afin d'en revêtir plusieurs centaines de paysans, il éleva des cabanes, des bivouacs, des batteries qu'il incendia. Enfin, il n'oublia rien de ce qui pouvait reproduire le plus horrible de toutes les scènes, et il atteignit à son but. Vers les premiers jours du mois de décembre, quand la neige eut revêtu la terre d'un épais manteau blanc, il reconnut la Bérézina. Cette fausse Russie était d'une si épouvantable vérité que plusieurs de ses compagnons d'armes reconnurent la scène de leurs anciennes misères. M. de Sucy garda le secret de cette représentation tragique, de laquelle, à cette époque, plusieurs sociétés parisiennes s'entretinrent comme d'une folie. Au commencement du mois de janvier 1820, le colonel monta dans une voiture semblable à celle qui avait amené M. et Mme de Vandière de Moscou à Studzianka et se dirigea vers la forêt de l'Isle-Adam. Il était traîné par des chevaux à peu près semblables à ceux qu'il était allé chercher au péril de sa vie dans les rangs des Russes. Il portait les vêtements souillés et bizarres, les armes, la coiffure qu'il avait le 29 novembre 1812. Il avait même laissé croître sa barbe, ses cheveux et négligé son visage pour que rien ne manquât à cette affreuse vérité. « Je vous ai deviné, » s'écria M. de Fongeat en voyant le colonel descendre de voiture. « Si vous voulez que votre projet réussisse, ne vous montrez pas dans cet équipage. Ce soir, je ferai prendre à ma nièce un peu d'opium. Pendant son sommeil, nous l'habillerons comme elle l'était à Studzianka et nous la mettrons dans cette voiture. Je vous suivrai dans une berline. » Sur les 2 heures du matin, la jeune comtesse fut portée dans la voiture, posée sur des coussins et enveloppée d'une grossière couverture. Quelques paysans éclairaient ce singulier enlèvement. Tout à coup, un cri perçant retentit dans le silence de la nuit. Philippe et le médecin se retournèrent et virent Geneviève qui sortait 2 minutes de la chambre basse où elle couchait. « Adieu, adieu, c'est fini, adieu » criait-elle en pleurant à chaudes larmes. « Eh bien, Geneviève, qu'as-tu ? » lui dit M. Fongeat. Geneviève agita la tête par un mouvement de désespoir, leva les bras vers le ciel, regarda la voiture, poussa un long grognement, donna des marques visibles d'une profonde terreur et rentra silencieuse. « Cela est de bon augure, » s'écria le colonel. « Cette fille regrette de n'avoir plus de compagne. Elle voit peut-être que Stéphanie va recouvrer la raison. « Dieu le veuille !» dit M. Fongeat, qui parut affecté de cet incident. Depuis qu'il s'était occupé de la folle, il avait rencontré plusieurs exemples de l'esprit prophétique et du don de seconde vue, dont quelques preuves ont été données par des aliénés et qui se retrouvent, au dire de plusieurs voyageurs, chez les tribus sauvages. Ainsi que le colonel l'avait calculé, Stéphanie traversa la plaine fictive de la Bérézina sur les 9 heures du matin. Elle fut réveillée par une boîte qui partit à 100 pas de l'endroit où la scène avait lieu. C'était un signal. 1000 paysans poussèrent une effroyable clameur, semblable au hurrah de désespoir qu'elle a épouvanté les Russes, quand 20 000 traînards se virent livrés par leur faute à la mort ou à l'esclavage. À ce cri, à ce coup de canon, la comtesse sauta hors de la voiture, courut avec une délirante angoisse sur la place neigeuse, vit les bivouacs brûlés et le fatal radeau que l'on jetait dans une Bérézina glacée. Le major Philippe était là, faisant tournoyer son sabre sur la multitude. Madame de Vandière laissa échapper un cri qui glaça tous les cœurs et se plaça devant le colonel qui palpitait. Elle se recueillit, regarda d'abord vaguement cet étrange tableau. Pendant un instant aussi rapide que l'éclair, ses yeux eurent la lucidité dépourvue d'intelligence que nous admirons dans l'œil éclatant des oiseaux. Puis, elle passa la main sur son front avec l'expression vive d'une personne qui médite. Elle contempla ce souvenir vivant, cette vie passée traduite devant elle, tournant vivement la tête vers Philippe, et le vit. Un affreux silence régnait au milieu de la foule. Le colonel haletait et n'osait parler, le docteur pleurait. Le beau visage de Stéphanie se colora faiblement. Puis, de teinte en teinte, elle finit par reprendre l'éclat d'une jeune fille étincelant de fraîcheur. Son visage devint d'un beau pourpre. La vie et le bonheur, animés par une intelligence flamboyante, gagnaient de proche en proche comme un incendie. Un tremblement convulsif se communiqua des pieds au cœur. Puis, ces phénomènes, qui éclatèrent en un moment, eurent comme un lien commun, quand les yeux de Stéphanie lancèrent un rayon céleste, une flamme animée. Elle vivait, elle pensait. Elle frissonna, de terreur peut-être. Dieu déliait lui-même une seconde fois cette langue morte et jetait de nouveau son feu dans cette âme éteinte. La volonté humaine vint avec ses torrents électriques et vivifia ce corps d'où elle avait été si longtemps absente. « Stéphanie !» cria le colonel. « Oh, c'est Philippe !» dit la pauvre comtesse. Elle se précipita dans les bras tremblants que le colonel lui tendait et l'étreinte des deux amants effraya les spectateurs. Stéphanie fondait en larmes. Tout à coup, ses pleurs se séchèrent, elle se cadavérisa comme si la foudre l'eût touchée, et dit d'un son de voix faible « Adieu, Philippe, je t'aime, adieu !»« Oh, elle est morte !» s'écria le colonel en ouvrant les bras. Le vieux médecin reçut le corps inanimé de sa nièce, l'embrassa comme eût fait un jeune homme, l'emporta et s'assit avec elle sur un tas de bois. Il regarda la comtesse en lui posant sur le cœur une main débile et convulsivement agitée. Le cœur ne battait plus. C'est donc vrai, dit-il en contemplant tour à tour le colonel immobile et la figure de Stéphanie sur laquelle la mort répandait cette beauté resplendissante, fugitive auréole, le gage peut-être d'un brillant avenir. Oui, elle est morte. Ah, ce sourire, s'écria Philippe. Voyez donc ce sourire, est-ce possible? Elle est déjà froide, répondit M. Fanjat. Monsieur de Sucy fit quelques pas pour s'arracher à ce spectacle, mais il s'arrêta, siffla l'air qu'entendait la folle, et ne voyant pas sa maîtresse s'accourir, il s'éloigna d'un pas chancelant, comme un homme ivre, sifflant toujours, mais ne se retournant plus. Le général Philippe de Sucy passait dans le monde pour un homme très aimable et surtout très gai. Il y a quelques jours, une dame le complimenta sur sa bonne humeur et sur l'égalité de son caractère. « Ah, madame, lui dit-il, je paye mes plaisanteries bien cher le soir quand je suis seul. Êtes-vous donc jamais seul ?»« Non, répondit-il en souriant. Si un observateur judicieux de la nature humaine avait pu voir en ce moment l'expression du comte de Sucy, il en eût frissonné peut-être. « Pourquoi ne vous mariez-vous pas ?» reprit cette dame qui avait plusieurs filles dans un pensionnat. « Vous êtes riche, titré, de noblesse ancienne, vous avez des talents, de l'avenir, tout vous sourit. » Oui, répondit-il, mais il est un sourire qui me tue. Le lendemain, la dame apprit avec étonnement que M. de Sucy s'était brûlé la cervelle pendant la nuit. La haute société s'entretint diversement de cet événement extraordinaire, et chacun en cherchait la cause. Selon les goûts de chaque raisonneur, le jeu, l'amour, l'ambition, des désordres cachés expliquaient cette catastrophe. Dernière scène d'un drame qui avait commencé en 1812. Deux hommes seulement, un magistrat et un vieux médecin, savaient que M. le comte de Sucy était un de ces hommes forts auxquels Dieu donne le malheureux pouvoir de sortir tous les jours triomphant d'un horrible combat qu'il livre à quelque monstre inconnu. Que, pendant un moment, Dieu leur retire sa main puissante, ils succombent. Ainsi s'achève, adieu, par Honoré de Balzac.